Chapitre 13. Comment cette jeune fille qui avait occupé et qui occupait un si haut rang dans la société parisienne allait entrer au théâtre et se faire chanteuse ? « Je vois que je vous surprends, » dit-elle en le regardant. « Vous me stupéfiez. Et pourquoi ? Que voulez-vous que je fasse ? Quelle position ai-je dans le monde ? Je suis d'une noble famille, cela est vrai. Mon oncle est prince, cela est vrai encore. Mais après, ma famille est ruinée. Et mon oncle est sans fortune, voilà qui est non moins vrai. Dans cette situation, quelle espérance m'est permise? Mais celle qu'a eu le prince, celle qu'il a toujours, et qui me paraît, laissez-moi le dire, sans mettre aucune galanterie dans mes paroles, tout à fait légitime et parfaitement fondée. Vous voulez dire celle d'un mariage, d'un grand, d'un beau mariage? Sans doute. Qui plus que vous fut jamais digne de ce mariage? Vous trouvez? Mais assurément. » Elle ne répondit pas. Il resta quelques secondes les yeux fixés sur lui. « Si vous pensez ainsi, » semblait dire son regard, « pourquoi donc n'avez-vous pas été ce mari ?» Mais cette réplique, elle ne la lui adressa pas directement. « Quoi qu'il en soit, » dit-elle en continuant le développement de son idée, « ce mariage, ce beau mariage, ne s'est pas réalisé jusqu'à présent. Pouvez-vous croire qu'il ne se réalisera pas un jour ou l'autre? Est-ce à votre âge qu'il est permis de désespérer ? Où est-il, ce mari ? » Et le regard interrogateur qui, quelques secondes auparavant, l'avait troublé, se posa de nouveau sur lui. « Est-ce vous ? » semblait-il demander. Cette fois, elle garda le silence moins longtemps et reprenant. « Depuis un an, nous avons vécu dans le même monde, l'un près de l'autre, de la même vie, pour ainsi dire. Où l'avez-vous vu, ce mari ? Nulle part, n'est-ce pas ? Il ne s'est pas présenté. » De ce qu'il ne s'est pas présenté jusqu'à présent, s'ensuit-il qu'ils ne doivent pas se présenter un jour? Assurément, je crois qu'il ne se présentera pas. Mais je vais plus loin, et j'affirme qu'il ne devait pas se présenter. C'était à moi de l'aller chercher. Ce que je n'ai pas fait, alors que je ne me rendais pas bien compte de ma position, je le ferai encore bien moins maintenant. Que je sais ce qu'elle est et que je raisonne. Je vous l'ai dit, et je vous le répète. Je veux mon indépendance. Je veux celle de la vie. Je veux aussi, je veux surtout, celle du cœur. Si je me marie jamais, je veux choisir mon mari. Non parce qu'il a un grand nom ou une grande position, mais parce qu'il m'aime et que je l'aime. Cela, je l'espère, ne vous paraît pas trop romanesque. Je vous assure que je ne suis pas romanesque. Mais je n'ai jamais pensé qu'on devait s'excuser d'être romanesque. Trop peu de gens, hélas, mettent le sentiment dans leur existence. C'est précisément cela que je veux. Mettre le sentiment au-dessus des intérêts, et non les intérêts au-dessus du sentiment. Voilà pourquoi je tiens à être libre. Je sais qu'on me reprochera mon coup de tête. Comédienne, quelle bassesse ! Appartenir à l'une des premières familles de l'Italie et se faire chanteuse, quelle folie ! Et cependant, j'ai une excuse. Puisque je suis destinée à jouer la comédie en ce monde, j'aime mieux la jouer au théâtre que dans la vie. Le rôle qu'on veut m'imposer et que je devrais accepter pour réussir me pèse et m'humilie, de sorte que je le joue aussi mal que possible et que je ne réussirai jamais, tandis que celui que je veux prendre n'a rien qui m'effraie. Cependant, oui, vous avez raison, ce que je dis là est inexact. Il y a une chose qui m'effraie et beaucoup, c'est de quitter mon oncle et ma mère. Elle parut très émue et s'arrêta un moment. C'est cette considération qui, pendant longtemps, m'a arrêté, dit-elle en reprenant. J'ai hésité. J'étais d'une résolution à une autre. Décidé un jour à partir, le lendemain à rester près d'eux, et à laisser les choses aller sans m'en mêler. Car je sens, croyez-le bien, le chagrin que je vais leur causer. Pour ma pauvre mère, cette séparation sera terrible. Pour mon oncle, elle ne le sera pas moins. Puisqu'elle sera l'anéantissement de projets auxquels depuis cette année il a tout sacrifié. Son temps, sa peine, sa fortune, ses plaisirs. On ne sait pas, on ne saura jamais ce qu'ont été les soins de mon oncle. Songez que ce qu'il ne savait pas, il a eu le courage à son âge de l'apprendre pour me l'enseigner. Et quel courage non moins admirable dans cet enseignement donné à une fille telle que moi. Certes, bien des fois ces leçons m'ont été pénibles et cruelles. Mais je sens maintenant qu'elles n'ont pas pu l'être moins pour lui que pour moi. » De nouveau, elle fit une pause pour se remettre. « Et voilà de quelle récompense je vais le payer. Ah, cela est affreux. Qu'il sache au moins que je ne me sépare pas de lui le cœur léger, par un coup de tête, sans ressentir les angoisses de cette séparation et sans compatir à son chagrin. Mais il le faut, et c'est justement la grandeur de ses sacrifices qui m'impose ma résolution et me rend son exécution obligatoire dans un temps rapproché, très rapproché. Sur ce point, il faut que vous sachiez encore la vérité, et quelque confusion que j'éprouve à la confesser, vous devez la connaître. Si elle éprouvait une véritable confusion à parler, il ressentait, lui, un réel embarras à l'entendre. Que dire? Comment l'arrêter? Que lui répondre? Vous ne devez pas ignorer, dit-elle en continuant, que mon oncle, après avoir possédé une grande fortune, a été ruiné par un terrible concours de circonstances désastreuses dans lesquelles il a été victime de sa droiture et de sa bonté. Il avait voulu être homme d'affaires, il n'avait aucune des qualités exigées pour ce métier. Il s'est donc ruiné, entièrement ruiné, perdant non seulement sa fortune acquise, mais encore sa fortune patrimoniale et celle de sa sœur. C'est-à-dire que ma mère a été entraînée dans sa chute. Tout a été perdu, tout, sauf l'honneur, pour lui comme pour nous. C'est même, pour réparer cette perte à notre égard, qu'il a poursuivi si ardemment l'exécution de son projet de mariage. Il semblait que, nous ayant pris notre fortune, il voulût nous en donner une autre plus grande. À ses yeux, il y avait là pour lui un devoir à remplir. Et il l'a rempli courageusement jusqu'au bout, non seulement en me donnant ses soins, mais encore en fournissant à nos besoins, à ceux de ma mère comme aux miens. Si je vous disais ce qu'il a fait, vous seriez émerveillés, car ce sont des miracles. On ne vit pas dans le monde où nous avons vécu et comme nous avons vécu, sans dépenser des sommes considérables. Et il arrive un moment où les ressources s'épuisent, alors surtout que ces ressources sont précaires. Vous ne savez pas cela, vous qui possédez une immense fortune. Je n'ai pas toujours été riche. Nous, nous l'avons été, mais nous ne le sommes plus. Et mon oncle, en ces derniers temps, n'a pu nous maintenir dans notre position que par de véritables prodiges. Ces prodiges, j'en suis certaine, il trouvait moyen de les répéter, tant que je ne serai pas marié. Car c'est en nous maintenant, dans le monde où nous avons vécu depuis notre arrivée à Paris, que je pourrai seulement rencontrer le mari qui l'attend. Mais il épuiserait ce qu'il reste de force dans cette tâche, et c'est ce que je ne veux pas. Voilà pourquoi je suis décidé à me séparer de lui. C'est, vous le voyez, autant par respect envers moi-même que par tendresse pour mon oncle. Convaincu que son projet ne peut réussir, par cette raison toute puissante qu'il m'est impossible d'y mettre la main, je suis déterminé à sortir, coûte que coûte, de la position dans laquelle nous nous trouvons. Jusqu'à ce jour, ce qui m'avait arrêté, ça a été la pensée du chagrin que j'allais causer à mon oncle, de son désespoir, de sa colère. Mais la bonne fortune a permis que nous vous rencontrions ici. Et maintenant, je puis poursuivre l'exécution de ma détermination. Sans doute, son chagrin sera grand, mais au moins vous lui expliquerez les raisons qui me forcent à l'abandonner, et il comprendra que je ne suis pas une ingrate. Voilà le service que je réclame de vous. Et voilà pourquoi j'ai tenu si vivement à nous ménager cette promenade, qui devait me permettre de m'expliquer librement et de bien vous dire tout ce que je désire qu'il soit répété à mon oncle, ainsi qu'à ma mère. Je ne veux pas qu'il m'accuse injustement, et je remets ma cause entre vos mains. Voulez-vous la plaider non seulement pour moi, de façon qu'il ne me condamne pas, mais encore pour eux, de façon à adoucir leur douleur? Que répliquer? Comment refuser? Il était d'autant plus embarrassé pour trouver des raisons à lui opposer, qu'au fond du cœur il approuvait cette résolution. Ce n'était point un coup de tête, comme tout d'abord il l'avait cru au premier mot. Au contraire, c'était un acte réfléchi et raisonné. Sans doute, c'était chose grave que cette entrée au théâtre pour une jeune fille telle que Carmelita. Mais cela ne valait-il pas mieux, après tout, que la chasse au mariage? Dans cette résolution, il y avait un côté noble et viril qui le touchait. Elle était d'une femme de cœur, et lui tendit la main. « J'aurais bien des choses à vous opposer, dit-il. Mais les raisons par lesquelles je vous combattrai, vous vous les êtes données vous-même, j'en suis sûr. Je suis à vous. » Elle lui prit la main et la serra dans une longue étreinte en le regardant. Puis tout à coup, s'arrachant à l'émotion qui l'oppressait, Vous plaît-il que nous nous remettions en route ? Dit-elle. En avant, et ne pensons plus qu'au plaisir de la promenade. » Et se levant, elle attendit qu'il fût prêt à la suivre.